On va parler du Canadien avec notre ami Marc Fortier. Salut Marc! Salut Danny! Marc, on ne s'est pas parlé au cours des derniers jours. Il s'est passé pas mal de mouvements chez le Canadien. Évidemment, faut dire que le Canadien n'a pas égalé l'offre pour y espérer que Kotkaniemi. Écoute, c'est pas une surprise celle-là en même temps. Je veux dire, en fait, Marc Bergevin a caché vraiment bien son jeu. Là. On n'avait aucune idée de ce qui allait se passer dans le cas de Kéké. Ouais, mais écoute, il y a deux choses là-dedans, Danny, OK? Mm. C'est que si tu réfléchis là, comme un partisan, OK, puis tu y vas sentimentalement, c'est sûr que tu vas dire il aurait fallu que le Canadien garde Kéké, OK? C'est un jeune, c'est un choix de troisième round, c'est un futur bon joueur, faut se le dire. Ben, c'est un projet encore. Mais c'est un projet encore. Il n'a pas démontré encore qu'il était un choix de 3 overall. Non. OK? Est-ce que c'est la faute du Canadien qui l'ont mal développé? Il y en a qui vont dire que c'est ça. Mais à quelque part, le joueur aussi, là, le développement, il était là pour d'autres joueurs du Canadien, le même. Puis il y a des joueurs qui sont très bien développés. Puis il y en a d'autres qui se développent plus tranquillement. Alors, tu sais, là, admettons que c'est 50-50. Les Canadiens ont mal géré son dossier, puis lui, il n'a peut-être pas progressé à la vitesse qu'il aurait dû. Est-ce que ça veut dire que... Tu sais, la question qu'on peut se poser aussi, Danny, c'est que est-ce que ce gars-là, c'était à sa place de sortir 3? Peut-être pas aussi, là. Mm. Tu sais, quand tu regardes ça, là, moi, je regarde les autres après, tu sais, ben, Ketchuk, les affaires-là, puis je me dis... c'était-tu vraiment lui en 3, Kéké? Peut-être que c'était plus un mauvais choix qu'un mauvais développement aussi, là, on ne sait pas, là. Ben, regarde la réponse, on va se le dire, là. Le Canadien cherchait un joueur de centre, un joueur depuis des années, et il avait décidé cette année-là de repêcher des centres. Rappelle-toi du nombre de joueurs de centre qui ont été repêchés dans ce repêchage-là. C'était incroyable, là. Puis il n'en reste même pas un, là. Exact. Alors, tu sais, ça peut être ça. Bon, rendu là, Marc Bergevin, lui, il faut pas qu'il soit sentimental, là. Il faut qu'il soit rationnel, lui. Là. Lui, un directeur gérant, il faut qu'il élimine le côté sentiment. Mm. Alors, dans son cas, lui, il se dit, moi, je l'aime, Kéké, là, mais je l'aime-tu à 6.1? Ouais, tu sais, la réponse, c'était non, Danny, là. La réponse, c'est non. Gomez, là, je l'aurais aimé avec le Canadien, là, mais je l'aimais pas à 7 millions. Mm. Je l'aurais aimé à 3, mais je ne l'aimais pas à 7. Bon, mais Kéké, c'est la même affaire. Puis l'affaire qu'on sait, c'est qu'on sait très bien que l'année d'après, dans ta négociation future, tu pars tes négociations à 6.1, là. Mm. Ça veut dire que les années d'après, il va en gagner 6.5 puis 7, là. Ça défend une masse salariale pas à peu près, là. Ben oui, alors, est-ce que le Canadien était dans une position pour signer Kéké? Malheureusement, la réponse, c'est non. Alors, Marc, il n'y a pas eu d'autre choix que faire ça, mais je trouve que malgré cette situation-là, il s'est reviré de bord assez rapidement, puis il a quand même signé un joueur qui, moi, je pense, va être capable de venir combler le départ de Kéké et le départ de Dano, un petit peu un mix des deux, pas un top, là, mais il va compenser pour certaines minutes que les deux donnaient. Ben, moi, je l'ai dit, dès le départ, c'est un Thomas Plekanec à son meilleur. À peu près. D'après ce qu'on peut lire, là, d'après ce qu'on peut voir, là, ça ressemble à un Plekanec. Hein? Oui, mais moi, je pense que c'est un gagnant. Le gars, ce gars-là, là, à London, junior majeur, là, quand il était junior majeur de l'Ontario, c'était le capitaine de l'équipe. Ils ont gagné la Coupe Memorial. Il était sur la première équipe d'étoiles de la Ligue de la Coupe Memorial. Il avait marqué le but en prolongation qui avait éliminé Roy Noranda. C'est un joueur, je pense, de caractère. C'est un joueur, c'est un leader. C'est un gars qui est du côté des mises en jeu. Là, il est quasiment les mêmes statistiques que Dano. Là. Il était à 52%, puis Dano était à 52,4, admettons. Fait que c'est un gars qui est efficace en mise en jeu. Il peut jouer un bon rôle défensif. Puis c'est un gars qui marque entre 15 et 20 buts par saison, puis entre 30 et 40 points également. Alors, il va sûrement progresser s'il joue avec des joueurs qui vont l'aider offensivement. Peut-être que c'est un gars de 20, 25 buts, 50 points, là. Oui, effectivement. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. C'est le camp d'entraînement qui va commencer très, très bientôt. Marc, est-ce que l'équipe est meilleure cette année qu'à l'an passé? Ben, malheureusement, je suis obligé de te dire que, à mon avis, présentement, non. du point de vue de leadership, tu sais, c'est sûr que, écoute, ils perdent des morceaux importants, mais Weber qui est blessé, Danny, ouais. Ça fait mal, ça. Oui, il avait ralenti sa glace. C'est 24-25 minutes par... C'est 24-25 minutes. C'est un gars intimidant quand il est sur la glace. C'est un leader exceptionnel dans le vestiaire. C'est un leader, c'est un bon capitaine sur la glace. Alors, c'est sûr que c'est une perte importante. Dano, moi, je pense que c'est remplaçable. Tu sais, soyons honnêtes, là, enlevons que c'est un petit Québécois et qu'on l'adore. Là. C'est un gars, je pense, qui se remplace bien. Kéké qui s'en va, c'est un bon jeune, mais qui n'avait pas encore atteint son potentiel maximum. Moi, j'évalue ça, Danny, puis je suis plus sûr. Là, je pense que les acquisitions ont été bonnes quand même du côté du Canadien. Perrault, c'est un petit gars qui va peut-être surprendre, ça, parce qu'il a des très belles habiletés. Il est capable de marquer des buts. Ça va être, ça va donner une bonne profondeur. Mettons, sur une 3, qui peut venir dépanner sur une 2. Ils peuvent être... Ils sont peut-être pas meilleurs, mais ils sont pas pires. Mais là, la grosse différence, c'est qu'ils vont jouer dans la division. Ils reviennent dans leur division. Là. On se comprend pas d'histoire. Exact. C'est ça la grosse différence. C'est que l'année passée, Canadien était. Il était Canadien l'année passée. Il aurait même pas fait les séries, hein? Faut pas oublier ça, là. Ben c'est ça. C'est pour ça qu'il y a une différence, Danny, en dire est-ce qu'ils sont meilleurs ou moins bons que l'année passée? Il faut que tu regardes sur papier. Ceci étant dit, admettons qu'on dit qu'ils sont meilleurs ou qu'ils sont moins bons, peu importe. La différence, c'est ça, ça sera pas ça. La différence, c'est que dire, là, ça sera plus la même formule, là. Non. Là, tu joues plus juste contre le Canada, là, puis tu pognes, admettons, Vancouver qui n'a pas son meilleur, tu sais, même Calgary, Ottawa. Là, tu joues contre toutes les équipes de la Ligue nationale, là. Alors, tu vas jouer moins souvent contre ces équipes moins fortes-là. Puis là, on se le cachera pas, Ottawa a énormément progressé. Ils vont être une meilleure équipe l'année prochaine. Alors, toutes les équipes s'améliorent. Puis tu joues comme une cédule out-large contre toutes les équipes de la Ligue nationale. Alors, c'est sûr que ça va être une saison qui va peut-être être plus difficile pour le Canadien. OK. Marc, on s'en reparle très, très bientôt, mais avec l'actualité de demain. Parfait, Danny, ça fait plaisir. Marc